Reportage A. On utilise beaucoup les bateaux pour transporter le pétrole. Malheureusement, ces bateaux sont souvent vieux. Donc, ils ont parfois des problèmes techniques et coulent. Le pétrole se répand alors dans la mer et sur les plages. Cette marée noire fait beaucoup de mal à la nature, notamment aux poissons et aux animaux marins. Reportage B. Le réchauffement climatique a beaucoup de conséquences négatives et particulièrement pour les stations de ski. Il y a de moins en moins de neige et les glaciers fondent. Reportage C. Le réchauffement climatique a aussi une conséquence négative sur certaines régions d'Afrique. Il fait de plus en plus chaud, l'eau devient de plus en plus rare et la végétation meurt. Les hommes sont alors obligés de partir pour survivre. Reportage D. L'été, beaucoup d'arbres brûlent. Les incendies sont le plus souvent causés par les humains qui, par exemple, fument et jettent leurs cigarettes dans les bois. En ville, les gens ont l'habitude de jeter leurs cigarettes par terre et ils font la même chose quand ils sont dans la nature, sans penser aux incendies qu'ils peuvent causer. Reportage E. Comment l'eau d'un lac peut-elle être polluée? Quand les agriculteurs mettent dans la terre des produits appelés engrais. Ce sont des produits qui aident les plantes à pousser plus vite. Mais si ce produit est utilisé en trop grande quantité, il arrivera par la terre jusqu'au lac, les polluera et mettra en danger la vie aquatique. Reportage F. Pour construire des routes, pour cultiver la terre, pour avoir du bois, on coupe les arbres des forêts. Ainsi, on met en danger de nombreux animaux. Il faut faire très attention à ne pas détruire trop de forêts. Reportage G. Pour avoir des plantes, des fruits et des légumes plus résistants, les scientifiques ont modifié leurs gènes. Mais on ne connaît pas encore leurs conséquences sur la santé de l'homme. De nombreuses personnes sont inquiètes et s'opposent à leur culture. Reportage H. À partir de 1950, des industries se sont installées près des fleuves et des rivières. Ces industries y ont rejeté des liquides toxiques et les hommes leurs déchets. C'est ainsi que les fleuves et les rivières ont commencé à être pollués.